Mot d'enfant. Eh bien, enfant, demanda Eustache, qui aimait toujours à découvrir l'opinion de ses auditeurs, avez-vous jamais entendu une meilleure histoire que celle du toucher d'or ? Oh, quant à cela, dit la maligne Primrose, l'histoire du roi Midas était déjà fameuse un millier d'années avant que M. Eustache vint au monde, et continuera de l'être bien longtemps après sa mort. Mais certaines gens sont doués de ce que j'appellerais le toucher de plomb. Ils rendent lourd et ennuyeux tout ce qui passe par leurs mains. « Vous êtes bien caustique pour votre âge, » répondit Eustache, assez décontenancé par l'observation piquante de Primrose. « Cependant, vous savez bien, au fond de votre bon petit cœur, que j'ai prêté un éclat tout nouveau au vieil or de Midas, et qu'il brille en ce moment comme il ne brillait jamais avant moi. Et cette figure de mari d'or, n'est-ce pas là un travail d'une jolie invention ? N'en ai-je pas tiré et fait ressortir la morale avec beaucoup d'habileté ? Qu'en pensez-vous, joli bois, marguerite, pervenche ? Y aurait-il quelqu'un parmi vous qui, après avoir écouté cette histoire, eut la folie de désirer le don de changer tout en or ?« Oh, moi je voudrais, » s'écria Pervenche, jeune personne de 10 ans, « avoir la puissance de métamorphoser tout en or avec le doigt de ma main droite, et puis, avec celui de ma main gauche, de rendre aux objets leur substance naturelle, si le changement ne me plaisait pas. Je sais bien ce que je ferai aujourd'hui même. Dis-le-moi, je t'en prie, » demanda Eustache. « Eh bien, je toucherai chacune de ces feuilles dorées avec le doigt de ma main gauche, et je leur rendrai leur ancienne verdure. De cette manière, nous retrouverions tout d'un coup en plein été, et en même temps, d'un seul trait, je supprimerai ce vilain hiver. Vous auriez bien tort, Pervenche, et vous commettriez une grande faute. Si j'étais Midas, moi, je ne voudrais créer que des jours dorés comme ceux-ci, sans cesse et sans cesse, toute l'année durant. Mes meilleures idées me viennent toujours trop tard. Pourquoi ne vous ai-je pas raconté comment le vieux roi Midas avait débarqué en Amérique échanger le sombre automne, tel qu'il existe dans les autres pays, en une saison d'une beauté si éclatante dans le nôtre. C'est Midas qui adorait les feuilles du grand livre de la nature. Cousin Eustache, dit Jolibois, gentil petit garçon, toujours disposé à faire 1000 questions sur la hauteur précise des géants et la petitesse imperceptible des fées. Quelle était la taille de Marie d'or et combien pesait-elle après sa métamorphose ? Elle était à peu près aussi grande que toi, répliqua Eustache. Comme l'or est très lourd, elle devait peser au moins 2000 livres, et aurait pu être frappée en monnaie pour un peu plus de 3 millions de francs. Je voudrais bien que Primrose valût seulement la moitié de cette somme. Maintenant, grimpons sur la colline pour regarder autour de nous. Les enfants suivirent son avis. Il était 1 ou 2 heures de l'après-midi, et le soleil inondait de ses rayons la vallée débordante de lumière, qui semblait renverser les flots sur les pentes des collines voisines, pareille à une coupe gigantesque d'où s'écoule une nappe de vin doré. C'était une si belle journée que vous n'auriez pu vous empêcher de dire qu'il n'y en eut jamais d'aussi ravissante. Et cependant, celle d'hier était aussi belle, et demain le temps sera tout aussi délicieux. Ah, c'est qu'il y en a si peu de semblables dans toute une année. Une particularité remarquable de ces jours d'octobre, c'est que chacun d'eux promet d'occuper un long espace de temps. Cependant, à cette époque, le soleil se lève assez tard et va se coucher, comme les petits enfants devraient le faire s'ils étaient sages, au cours raisonnable de 6 heures, ou même un peu plus tôt. Nous ne pouvons donc pas dire que ces journées soient longues, mais elles nous paraissent compenser leur brièveté par leur charme et leur douceur, et quand la nuit survient, nous avons la conscience d'avoir, depuis le matin, respiré la vie à plein poumon. « Allons, enfants, venez, venez !» leur cria Eustache Bright. « Des noix, toujours des noix, remplissez vos paniers. Aux vacances de Noël, je vous les casserai en vous racontant d'admirables histoires. » Et nos petits camarades s'éloignèrent, tout rayonnant de gaieté, à l'exception de Jolibois, qui, je suis fâché de vous le dire, s'était assis sur l'enveloppe hérissée de pointes de châtaigne et se trouvait dans la situation d'une pelote garnie d'épingles. Mon Dieu, qu'il devait être mal à son aise. Ainsi s'achève Le toucher d'or de Nathaniel Hawthorne.